That's all only big lies, but this will be all the same. This movie is in black and white. We do it play million times between Gabba and Morgan. Then this. Oops! Salut, Damned! C'était, hein. C'était la traduction en anglais. Crazy. La traduction en anglais de la chanson. Ouais, je sais, c'est un vrai bide. Mais bon, c'est pas grave. Salut, Mister Dame. C'est pas vrai. Ah, putain, t'aurais pu me le dire, hein. Depuis le temps, au moins j'aurais mis un visage sur ton nom. Je peux pas dire sur ta voix, mais sur un nom. Bon, tu me diras, je travaille. Mon agence, elle est pas Annemasse, elle est sur Annecy, donc bon, ce sera peut-être même pas vu. La prochaine fois que tu viens pas, tu me dis, tu viens me dire coucou. Ben là, tu suis bien sûr, mais si tu vas sur Annecy, franchement, Annemasse, c'est clair que c'est pourri. Je te rassure, I agree. Non, mais. La prochaine fois que tu passes par là, fais-moi signe. Ce serait assez marrant, tiens, de te voir. Je te vendrai des plaques d'immatriculation. Flamenco. Il y a une moissonneuse-batteuse. Bon, on va arrêter de faire les cons là, parce qu'il y a quand même Danette qui est là, je comprends. Alors là, il faut que tout soit très clean, très carré. Je vais arrêter de parler au micro et de dire mes conneries comme d'hab. Bon, ceci étant, Danette, la prochaine fois que tu viens par là, je le répète, fais-moi signe, ça me fera plaisir.